À l'occasion du 37e anniversaire du soulèvement populaire de Gwangju, le Comité national nigérian d'études du kimilsonisme Kim Jong-lis a présenté le 23 mai dans leur page d'internet un article titré « Suivant l'esprit de lutte des révoltés vaillants de Gwangju, il faut supprimer définitivement les forces conservatrices pro-américaines ».